une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Magic System. C'est Magic System, nos invités tous les soirs de la semaine et déjà la dernière de la semaine, messieurs. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Mais il va y avoir. Il va y avoir à partir de lundi. Et à partir de lundi, il va y avoir quelque chose de consistant. Tiens, pour bien passer là, les jours qui arrivent. Ouais. Il fait beau en plus. Ah ouais. C'est le son du Magic System. C'est ça. Justement. Un album thérapeutique. Africainement vôtre, le son qui fait du bien, on le découvre depuis lundi. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'est plus qu'à aller 3 jours maintenant de la sortie, pratiquement. Ouais. Un petit peu moins, même si on compte en heures. C'est dans 72 heures. C'est dans 72 heures et vous pourrez en plus. Alors ça, par contre, ce qui est possible de faire maintenant, c'est le précommander. Comme ça, vous l'avez tout de suite. Ouais, il faut lancer la précommande. Allez, cliquez. Hop. Vous cliquez, vous récupérez l'album dès dimanche soir à partir de minuit. Bon, tout va bien, messieurs, pour cette dernière. Ça va, on est là, on est quand même dessus parce que les 5 jours sont vite passés quand même. C'est passé très vite. Ouais, c'est passé très vite. On a vécu de très beaux moments, une bonne ambiance, on a eu des bons invités, puis bon, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue encore pendant une petite heure ce soir. Ouais, avec vous. Ouais. Ah oui, pour cette dernière heure. Ça va être chaud. Ça va être le feu d'artifice. Ah, des surprises, des invités, des lives, des extraits de l'album et du Magic in the Air pour débuter ce Planète Rap. Si vous êtes prêts, on y va. Coup d'envoi. C'est parti. Avec Ahmed Chaouki tout de suite. On y va. magnifique lumière. Bonjour. Avec Ahmed Chaouki qui est passé justement cette semaine et qu'on retrouve sur l'album, l'album des magiciens africainement vôtre qu'on découvre depuis lundi. Ouais. Et avant de vous laisser partir en tournée, je crois qu'il y a encore une grosse tournée qui est prévue pour Magic System. Ah oui. Vous arrêtez jamais entre deux albums. Ah oui, il y a une grosse tournée qui se met en place là. On va encore faire le tour de quelques zéniths en France. Mmh. On va parcourir quelques pays en Afrique parce que l'album s'appelle Africainement Vôtre. Voilà. Et il y aura aussi pas mal de tournées showcase pour annoncer la sortie du prochain single. Donc c'est tout un planning chargé et 2014 et 2015 seront vraiment deux années de messe avec nos fans, avec notre public. Voilà, bah loupez pas la tournée Magic System, les dates vous les trouvez. Tout à l'heure on va donner les dates. On filera les dates, ouais, bah, très bien. Voilà, tout à l'heure on va donner toutes les dates. On filera les dates. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire aussi, bah, à votre avis messieurs, sur ce nouvel album de Magic System, qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter pour un petit peu conclure cette semaine, puisque c'est la dernière dans Planète Rap. Juste dire aux fans du groupe Magic System que nous avons bossé dur. Nous sommes allés à Abidjan, on a travaillé du bon zouglou, et qu'ils achètent le CD, ils seront pas déçus. Et il faut retenir aussi que le 13 septembre à l'Olympia, il y a un concert, ça faut pas l'oublier. Ça sera pas une grosse fête, ça, le 13 septembre. Ah ouais, c'est parce que ça sera pas un concert, ça sera le concert. Parce que tout est mis, là, on vient de la répétition, on allait répéter, parce qu'on a envie Vous travaillez déjà dès maintenant, là, en fait. Avec Magic, c'est ça. Parce que c'est pas seulement l'Olympia qui est une date, c'est vrai que l'Olympia, c'est un retour vers nos fans de Paris, qui nous ont pas assez vu ces dernières années. Mais il y a aussi une grosse tournée des Zénith, comme on l'a dit. Il y a des grosses salles que nous allons faire. Et voilà, c'est un vrai spectacle que nous allons monter. On commence les répètes. Après, on va à Abidjan. On va ajouter un peu d'africanité. Mmh. Et on revient pour attaquer comme il se doit. Et tu disais justement, le Zouglou, c'est aussi la marque de fabrique de Magic System. C'est un style, hein, pour ceux qui veulent savoir. Vous aviez fait un morceau d'ailleurs, Zouglou Dance. Zouglou Dance. Voilà. Zouglou Dance. Voilà. Mais c'est un style. C'est typiquement style, musical de style, Côte d'Ivoire. C'est un style, c'est une philosophie, c'est une musique. Vous êtes à l'origine d'ailleurs du Zouglou. Nous ne sommes pas à l'origine, nous sommes issus de cette famille-là. D'accord. Mais nous sommes venus dans le Zouglou, je crois que dans 7 ans après sa naissance. Et c'est à partir de nous que le Zouglou a connu cet envol international. Voilà. Vrai, donc les gens nous vous avez popularisé l'étiquette. Le Zouglou. Voilà, c'est ça. Donc les gens nous collent l'étiquette de percurseur du Zouglou. Non, le Zouglou, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est pas nous qui avons inventé le Zouglou. Il y a eu des dévanciers, mais nous, on a eu la chance de porter ce mouvement-là hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Bon, est-ce qu'il y a un nouveau style qui est en train de s'imposer en Côte d'Ivoire justement en ce moment? Est-ce qu'il y a un nouveau style? Oui, c'est des dérivés du Zouglou, c'est le coupé décalé. Ah, le fameux coupé décalé. Voilà, ah, qui est un dérivé du Zouglou. Musicalement, c'est la même famille. Après, c'est au niveau des textes, au niveau des philosophies qu'on s'accorde pas. Mais voilà, c'est un style musical qui est aussi en train de s'imposer et qui a pris même le devant de la scène africaine parce que c'est le mouvement leader actuellement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc on a des jeunes talents aussi qui émergent et qui sortent de cela. C'est beaucoup connu, c'est pas encore connu du grand public français, mais ça ne sera tardé parce que nous aussi on essaie de promouvoir à notre manière tous les rythmes qui viennent d'Afrique. Et comment vous expliquez justement d'ailleurs que la Côte d'Ivoire a eu un tel écho dans le monde entier, je parle en termes de musicalité. Ouais. C'est vrai que bon, il y a le Sénégal, il y a au Cameroun, Sénégal-Cameroun, mais Côte d'Ivoire, il y a quand même un côté particulier, en tout cas au niveau populaire et dans le monde entier, on a l'impression que c'est la Côte d'Ivoire qui ressort le plus. Oui, moi je crois que tous les pays qui ont traversé la guerre, c'est comme le Congo aussi, quand le Congo sortait de guerre. Oui, Congo, voilà, partout il y avait cette musique congolaise là qui se jouait de partout. La rumba congolaise. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sympathie qui vient quand il y a un pays qui est dans le malheur. Et je dirais que en 1999, quand Magic System sortait premier Gaou, la Côte d'Ivoire venait de connaître son premier coup d'État. Donc toute l'actualité était focalisée sur la Côte d'Ivoire, et en politique, et en sport, et en musique, et partout. Et c'est de là que sont sortis des noms comme Didier Drogba, Magic System, Tiken Diafakoli. Et puis parce que tous ceux qui venaient de la Côte d'Ivoire importaient maintenant les gens. Les gens étaient, voulaient voir, voulaient découvrir quelque chose. Et puis bon, après on n'a pas baissé les bras. C'est-à-dire on ne souhaite pas aux autres artistes de souhaiter la guerre à leur pays. Non, bah, c'est pour connaître le succès. Bah, non, c'est vaut mieux. Mais je veux dire que c'est un phénomène voilà, qui est arrivé, mais ce n'est pas toujours. Sinon on aurait eu des artistes soudanais, rwandais et centrafricains. Non, c'est, voilà. C'est vrai, en même temps, c'est aussi important de préciser, tu parlais de Tiken Diafakoli, mais il y a eu aussi Alpha Blondie. Oui, Alpha Blondie, ça c'est le. Lui n'a pas attendu tout ça. Hein. Lui, depuis 1985, c'est notre aïeul, c'est notre vieux père, comme et, on le dit. Et tout comme vous, avec des paroles incisives, justement, sur la société, sur le pays, sur. Ouais, voilà, celui qui a envoyé. Celui qui a donné à cette nouvelle jeunesse la manière de s'adresser aux gens, les messages qu'il fallait lancer. Il était le premier quand il a sorti Brigadier Sabari. Mmh. Tout le monde a suivi avec ça. Et puis après, c'est de succès en succès. Il est devenu un porte-parole pour tout le continent africain. Et c'est quelqu'un pour qui nous vouons un très grand respect. Et d'ailleurs, dans le dernier album de Magic, il a eu à faire un featuring avec nous. Et ça nous a honoré. Eh bah, très bien. Bah, on salue. Alpha Blondie, et peut-être qu'on aura une surprise avant la fin de l'émission, qui sait. Restez bien à l'écoute de ce Planète Rap. On va continuer à mettre un morceau. On part sur quoi? Sur Ma Mélodie, c'est ça? Ouais, Ma Mélodie, ouais. C'est la douceur de l'album, ça. Ma Mélodie, petite douceur. Ah ouais, c'est de douceur. L'album. Ouais. Petit moment de tendresse. Voilà. Le week-end est là, le week-end est. Ouais. C'est ça. Ma Mélodie. On est en plein dedans, c'est l'heure de balancer ce morceau qui s'appelle Ma Mélodie, et c'est extrait de l'album qui sort lundi 19 mai, loupez pas. Petite go, qui a voulu fatiguer le gaou magicien. Elle m'a rendu fou. La première fois j'ai posé mes yeux sur elle. Elle était parfaite, oui, juste comme dans mes rêves. Elle est cette belle mélodie qui fait danser mon esprit. Elle a cette belle symphonie, cette petite voix qui me suit. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur ça fait poton poton. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur ça fait poton poton. Elle a ma mélodie. Dans ma tête elle est là. Elle fait la la la la. Dans ma tête elle est là, elle fait la la la la. Elle est ma mélodie. Dans ma tête elle est là, elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête elle est là, elle fait la la la la. Toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, on est ensemble. Pour moi tu vaux plus que l'or. Bébé, permets-moi de t'approcher. Ta beauté me rend zinzin. Au fond de moi, je peux pas résister, oh oui. Je peux pas rester loin, loin de toi. Bébé, j'ai besoin de toi, tu vois. Je peux pas rester loin, loin de toi. J'ai soif de toi, yeah. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poto poto. Elle m'a mis jusqu'à oui. Dans ma tête, c'est gâté. Elle a pris contrôle de moi. Dans mon cœur, ça fait poto poto. Elle est ma mélodie. Dans ma tête, elle est là. Elle fait la la la la. Complète ma cracata. Elle m'a cracata. La gola m'a cracata. Elle m'a cracata, cracata, cracata, cracata, cracata. Elle m'a cracata. Elle est ma mélodie. Dans ma tête elle est là. Elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Dans ma tête elle est là. Elle fait la la la la. Elle est ma mélodie. Dans ma tête elle est là. Elle fait la la la la. Elle me berce toute la nuit. Baby, c'est pour la vie. cœur a des raisons qui ignore la vraie raison. Ah ouais, ça c'est vrai ça. Ça c'est la vérité. Ah ouais. Ça c'est la vérité. Ça c'est bon pour le week-end ça. Ah, ça c'est très bon pour le week-end. Ma mélodie à l'instant, Magic System avec nous. Ils sont de retour cette semaine dans Planète Rap. Ouais. Et de retour surtout avec un album, tous les quatre. Oui. Une longue histoire qui continue. Ouais. Toujours, toujours. Pas lassé à chaque fois de vous retrouver en tournée, en studio. Ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours bon. Toujours bon. Toujours. Parce que Magic System, c'est comme Barcelone. À force de jouer ensemble, il y a un mécanisme qui naît. Ou bien, ça, et ça remporte des titres et ça remporte chaque des saison, titres. Quoi. Hein. Voilà, bon, pas des titres, mais des disques d'or. Ça des va. Voilà. Disque d'or, ça va, ça fait plaisir. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Ouais. Qui décorent. Non, mais en tout cas, voilà, l'histoire, c'est vrai qu'elle est belle pour tous les quatre. Ouais. On vous souhaite encore beaucoup, bah, voilà, beaucoup de succès ensemble, beaucoup merci, de concerts. Merci beaucoup. C'est vrai, il y en a. Il n'y a pas un qui est plus désagréable que l'autre dans le groupe non. Chacun a son comportement. Et on fait avec. On s'adapte. On s'adapte. J'ai l'impression qu'il y a les dossiers qui sont enfouis. Ils vont pas sortir. Il ne faut pas les sortir maintenant. Il ne faut pas sortir maintenant. Non, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. On attendra le bouquin Magic System, la vérité. C'est ça la vérité. Ah ouais. Et puis Soprano, il est parti avec ça. Ah oui, c'est vrai. Même hier, encore en studio, il nous disait que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ah, voilà. Info exclusive, vous étiez en studio avec Soprano. Oui. Ouais. Ah, je vais m'en lancer le truc. Oh, le scoop. Bravo pour un extrait de son album. Oui. Futur. Vous le futur album. Ça y est, on a le scoop. C'est bon, on peut vous l'annoncer. Il y aura un morceau Soprano Magic System. Ah ouais, c'est encore un. Plus grave que Chéri Coco. C'est la suite. C'est la suite. Bon, on pourra découvrir ça bientôt. Ouais. Dans un instant, on va revenir. On mettra le morceau qui s'appelle Tu es fou. Ouais. Ça, c'est un gros single pour moi, celui-ci aussi. Hein, ben, oui, nous aussi, on l'a trouvé. Très gros. Celui-ci, très gros. Il prendra peut-être la succession de Magic in the Air. Ah oui, je sais qu'il va faire parler de lui. Et ben on l'écoutera dans un instant, bougez pas, on revient juste après ça avec Magic System. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial Magic System. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h. Skyrock la famille. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial Magic System. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Magic System. Nos invités sont là. Entre 20h et 21h avec l'album qui arrive lundi dans les bacs. L'album s'appelle Africainement Vôtre. Exact. Et il y a quelques minutes, ouais. Il y a quelques minutes, mm-hmm. On parlait d'un grand monsieur de la musique. Ouais. J'allais dire de la musique ivoirienne, mais de la musique mondiale, parce que c'est quelqu'un, un artiste connu dans le monde entier. Exact. Il est d'ailleurs jamais au pays, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en voyage. Il est même connu dans le monde entier qu'en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, ce grand monsieur, nous l'avons en ligne. Ah bon? Eh oui, non. Il est là. Monsieur Alpha Blondie est là avec nous. Hey quelque part dans le monde, j'ai envie de dire, je sais pas où, mais quelque part dans le monde se trouve Alpha Blondie et on l'a par téléphone. Ah ouais. Bonsoir, Colo. Bonsoir à Salfo, comment ça va mon gars? Ah, ça va très bien. Ça fait plaisir de t'entendre, Coro. Alors, merci mon gars. Comment tu l'appelles? Coro. Ah. Chez nous, Coro, ça veut dire grand frère. C'est grand frère? Ça veut dire grand frère, ça veut dire parrain. Et tout, voilà. Bon, ça va bien, Alpha? Oui, ça va très bien, ça va par la grâce de Dieu. Et on est content de te parler. On disait du bien de toi il y a quelques minutes. Oh, c'est gentil. Enfin, surtout Magic System qui disait voilà, que tu les as plus qu'inspireurs, tu fais partie des gens qui ont mis en avant la Côte d'Ivoire et qui ont fait rayonner ce pays aussi dans le monde entier. Exact. Eh bien, ils le font hyper bien. Il n'y a rien à redire. Le grand Magic System, le chien de crabe. Magic System, c'est notre fierté nationale. Oh, merci. Merci beaucoup, grand frère. Vous croisez un petit peu chez vous. Bon, il y a un morceau aussi que vous avez fait ensemble. Ouais. Tikilipo. Tikilipo. Tikilipo. Une belle expérience qu'on a eu à faire avec le grand frère parce que, en plus, c'était très rare de voir le grand frère faire des featuring et tout. Nous, on a eu cet honneur-là. et je crois qu'on a tiré beaucoup d'enseignements à aller en studio avec lui. Et depuis lors, on a gardé de bons contacts. Moi, c'est devenu un conseiller. Au-delà d'être un grand frère, c'est devenu un conseiller. Et cette année, il nous a fait l'honneur de venir jouer gratuitement notre festival devant plus de 50 000 personnes. Il a gratifié le public et franchement ça nous a mis du baume au cœur de voir Alpha Blondy venir dans une bourgade comme à Noumambo. C'est à Noumambo, c'est le festival qui est organisé chaque année justement des... Voilà, exactement. Il est venu et il a joué et vraiment c'est resté encore gravé dans la mémoire de tout le monde. Pour toi aussi Alpha, c'était un moment important justement d'aller jouer. Oui, et puis en plus quand des jeunes frères organisent et réussissent à mettre sur pied le plus grand festival en Afrique de l'Ouest, ok, il est de notre devoir, tu comprends, Uno, de leur prêter main forte. Parce que le FEMOA, c'est le plus grand festival musical d'Afrique de l'Ouest. Quel honneur. Alors nous parlons. Quel honneur. Merci. Ça sort de la bouche du grand frère Alpha. Merci. Il ne faut pas nous donner la grosse tête, grand frère. Non. Est-ce que toi, justement, tu les as vus changer, justement, évoluer, Alpha, le Magic System? Oui, tu sais, on dit chez nous que chaque personne a son étoile. Et le Magic System a une très belle et une très forte étoile. Ok, c'est des jeunes qui se sont fabriqués eux-mêmes. Ok, ils ont réussi à mettre le genre qu'ils ont épousé, le Zouglou. Ils sont arrivés à donner une dimension interplanétaire à cette musique qui est de quartier. Une musique vraiment, je comprends, du terroir, quoi. Ils ont donné un nouveau son, une nouvelle énergie à cette musique-là. Et je suis fier d'eux. Merci grand frère. T'es où? T'es en tournée actuellement, Alpha? Je suis en Hollande actuellement. Ah, sympa. Et tu sais quoi, Freddy, ouais. L'anecdote, j'étais à l'île de Pâques il y a deux semaines. Et on était à Rapa Nui. Rapa Nui, c'est là où il y a les statues de Rocher, là. Mm-hmm. Dans un bled perdu sur une plage, dans un petit restaurant. Et imagine quoi, on passait du Magic System. C'est vrai? J'étais fier. Ah oui, c'est vrai. Donc pareil, inconnu dans le monde entier, île de Pâques et tout. En plus, ça devait être assez hallucinant d'avoir Magic System avec ces grandes statues là qu'on voit un peu. Oui. De dire merde, ils sont là en fait. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et là, c'est quoi? Tournée toujours, Alpha? Toujours un peu en tournée? Il y a des choses qui vont bientôt sortir aussi pour toi? Ouais, mais pas pour le moment. Pour le moment, je suis en tournée pour le Mystic Power Tour. Ok? Et puis, mais quand même, je suis déjà en studio avec mes gars, on travaille doucement, bien avance. Eh ben merci d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes en tout cas dans l'émission. Ah, merci beaucoup. Merci Freddy, merci à Magic System et bravo Skyrock. Et c'est toujours un plaisir de te croiser. T'as vu sa manière de prononcer Skyrock? Mais Alpha, on avait fait une émission ici, moi je m'en souviens, c'est un de mes plus beaux souvenirs aussi avec Tidav à l'époque, qui faisait une émission qui s'appelait Roots Reggae Raga le dimanche soir sur Skyrock. Okay. Et Alpha était venu et on avait passé une super soirée en sa compagnie. Mais on passe jamais de soirée désagréable avec lui. Et non, c'était un super moment. Voilà, il y a une anecdote, il y a des journalistes qui sont venus me voir, ils ont dit, écoute, on va prendre Alpha à 13h et toi on te prend à 14h30. Je leur ai dit non, remettez ça à demain. Oui. Parce que c'est pas sûr que vous quittez vite. Mais t'as 14h30. Mais dire là on vient de chez Alpha. Non mais c'est vrai que c'est un peu ça quoi. Et surtout Alpha il donne une force non seulement par sa musique mais voilà par sa présence. Et, ouais, c'est... et aller voir pareil Alpha sur scène, moi aussi il y a quelques années de ça, je t'avais vu au Zénith, t'avais pareil blindé le Zénith de Paris il y a quelques années de ça. Alpha, quand t'étais de passage une fois de plus, voilà, c'était pareil, un super grand moment. Donc allez voir Alpha quand il passe près de chez vous en tournée. Bon là, il faut aller en Hollande, voilà. Ce qui est pas désagréable non plus. Voilà. Mais sinon, allez suivre Alpha et merci d'avoir été avec nous dans Planète Rap en tout cas ce soir, Alpha. Merci Freddy. Merci beaucoup Colin pour la surprise. Merci okay, beaucoup. Ok, merci à Salfo et puis allez, bravo et puis en avant les gars. Allez, ciao, okay. Alpha Blondy. Bah, on peut peut-être écouter d'ailleurs le duo que vous avez fait ensemble. Ben pourquoi pas, c'est, voilà, c'est un peu de nostalgie. Si on l'a là, et ben on le balance maintenant sur Skyrock. Alpha Blondy avec le Magic System. Mama, wo wo wo wo wo. jour pour jouer à nouveau. Yeah, ensemble. Et c'est Planète Rap avec le Magic System et ce morceau aux côtés d'Alpha Blondie à l'instant. Yes, Tiki Lipo. Ouais, c'est ça, c'est des moments inoubliables. En studio. D'après un frère, des moments inoubliables. Des moments inoubliables, tu as raison, bien conjugué. Magic System avec nous sur Skyrock entre 20 et 21. L'album, ça sort lundi. Lundi. Loupez pas africainement vôtre. On va passer un morceau qui s'appelle Tu es fou. Ah ouais. Dans quelques minutes. C'est un morceau de folie. Et voilà, juste tout le monde sera fou en France. Et ben, préparez-vous à mettre les camisoles. RDJ de Clichy, juste avant par téléphone. Salut RDJ. Salut Fred. Allô, salut les Magic System. Salut, ça va bien. Ça va ? Ouais, ça va et vous ? Bah écoute, on est bien avec Magic System. On a passé une bonne semaine. C'est cool alors. Et toi, tu viens conclure aussi cette semaine puisque c'est l'heure du freestyle par téléphone. Let's go. Allez, c'est parti. Ok. T'écoutes, après tu me dis Skyrock, vas-y tu fais mon ensemble. Yeah, fais je goûte. Si tu te vois mon fermeil, ça fait. Ok, ok. Yeah. On va tout rappeler, moi et mes acolytes. Tu peux rater de la colle, je suis alcoolique. À Crary, tu rigoles pas, mais je suis pas un colique. On les deux buildings se savent, je suis pas un colique. Gros, direct tu vaux plus rien si je dois être franc avec toi. Ben mec c'est chaud pour toi si tu es en froid avec moi. On respectera les règles disant qu'on empruntera les lois. Si j'en ai gras ils mangent pas, ils s'en mordra les doigts. Rap du futur sur mon passé, tira tes R. Je parle de la rue, pas de fausse rumeur que tu veux R. Les jaloux vont maigrir, alerte aux escrocs. Toutes les teams critiques sont des ex-gros. Rap se audace, c'est dans sport, monnaie, sexe, drogue. Il n'y a que la vérité qui blesse, et j'ai blesse, gros. Pareil que tu pousses la poule, que tu veux me couser, bah écoute, essaie. Nigo, ne te trompe pas, mon contact, que ça risquera de te coûter cher. Yeah! Ok! Yeah. Bravo! Si tu veux un feat avec Magic System, c'est le moment de le gratter. Non, y a pas de souci. Bah, bravo à toi en tout cas, RDJ. C'est fort. Merci, j'écoute. On peut te retrouver sur le net, les dédicaces, vas-y, c'est le moment de la petite promo. Moi, c'est RDJ, donc je suis sur Facebook, Twitter. Je fais partie du groupe Hostile, H-O-S-T-Y-L-E. Sur Twitter et sur Facebook, vous tapez H-O-S-T-Y-L-E et on est ensemble. Je passe un gros big up à Primo et notre groupe. Bah, on les salue, on les connaît bien aussi, ils viennent rapper souvent aussi. Et bah, merci à toi, RDJ. Y'a pas de soucis. Passe une bonne soirée avec Magic System entre 20 et 21. On va mettre donc ce morceau qui s'appelle Tu es fou. Ah. Ouais. Vous êtes prêts ou pas? Non, il faut demander aux auditeurs si ils sont prêts à être fous. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que nous, on est déjà fous. Ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à devenir dingue? Voilà. Si oui, poussez le son. Ah. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Éloignez-vous de la table et des chaises. Et attention. Éloignez-vous du canapé. Coup d'envoi de la folie. C'est parti. Hey uh-huh. On va te coder. Ouais. Yes I. Si tu es fou. Nous aussi on est fou. Ah ouais. C'est ça. Zona. Oublie tes problèmes et ton stress. Faut jamais baisser les bras. Donne-toi la force, aller plus loin. Il est temps pour toi de bouger. À l'instant. C'est ça qui est la vérité. Je sais que tout le monde est fou. Magic System avec nous pendant quelques minutes encore avec l'album africainement vôtre qu'on découvre depuis lundi sur Skyrock entre 20 et 21. Ouais. Et maintenant l'heure est venue de passer au live. Ok. Qu'est-ce qu'on nous fait pour conclure cette semaine, cette belle semaine avec le Magic System? Ben on va rester dans l'ère de la magie. Donc on va mettre de la magie dans l'air. Ok. Oh, okay. Oh, c'était poétique. Prêt, messieurs? Prêt. Okay, prêt. On y va. Magic in the air. Feel the magic in the air. On est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, comme ça ensemble on fait le show. On t'invite dans la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite dans la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, tu as le niveau. Oh, oh. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite dans la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite dans la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh. Magic System sur Skyrock, dans Planète Rap avec Fred. Y a rien pour le moment. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. C'est que du go go go. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh, oh, oh. Fils des magiques indiens. Lundi 19 mai dans les bacs. Yes, à l'instant en live, le Magic System. Pour Magic in the Air, ça c'est un morceau que vous verrez sur la tournée de Magic System avec une date importante, 13 septembre. Est-ce qu'il y a aussi d'autres dates qu'on peut filer? Ah oui. Il y a de cette grosse dates, tournée Magic c'est System. Une grosse tournée et en plus sur cette tournée, nous venons avec tous nos musiciens au grand complet. C'est toute l'équipe qui se déplace et ça va être chaud. Donc le 13 septembre, on est à l'Olympia. À Bagnols-sur-Cèze déjà, ça c'est le 31 mai là. Et là, le 1er octobre, on est à Albi. Le 2 octobre, on est à Pau. Le 3, à Bordeaux. Le 4, à Limoges. Tout ça, c'est des zéniths. Le 8 novembre, nous sommes à la commanderie à Dole. Le 12 décembre, nous sommes au Nikaya à Nice. Le 16 janvier, au Parc Expo à Tours. Donc là, on est en 2015, attention. Là, on est en 2015, hein. 17 janvier, zénith de Caen. 6 février, zénith de Rouen. 7 février, zénith d'Amiens. 20 mars, Zénith de Nantes. 21 mars, Angers. Le 3 avril, le Zénith de Lille, avant de retourner à Abidjan pour le FEMUA. FEMUA, 8e édition. 8e édition du FEMUA, et c'est, voilà. C'est en mois d'avril. C'est au mois d'avril, du 21 au 26 avril 2015. Eh bah, ben, très bien. Voilà. Peut-être qu'on y sera, peut-être qu'on pourra faire un planète rap un jour en direct du FEMUA. Oui. Ah, ouais, enfin, ce serait bien. Pardon, le 31 mai. Nous sommes à Déol, voilà, non loin de Châteauroux. Mais quand là, tout de suite, là? Ouais, 31 mai. Ah oui, pas en 2015, là. Parce que là, on était en 2015. Non. Je reviens sur le 31 mai 2014. Donc, nous sommes à Déol. Eh voilà. Allez faire un tour le 31 mai pour voir Magic System. Vous avez passé une grosse et belle soirée avec eux sur scène. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette avec Jordan. C'est parti maintenant. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Salut Jordan de Toulouse. Ouais. Eh ben, bienvenue, Jordan. Bienvenue à l'équipe, merci. Bienvenue en ce vendredi soir, prêt à faire tourner la roulette, on y va? Ouais. C'est parti, dès que tu veux, tu dis stop. Vas-y, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, y'a rien pour le moment. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Jordan? Ouais. Et ben voilà, tu vas aller mater le film événement, le film Skyrock qui défonce tout, le film Godzilla, avec 4 places pour toi. Ouais, si. Et bon, t'envoies ça. Et bon, t'envoies ça du côté de Toulouse, Jordan. Merci. Passe une dédicace. Ouais, vas-y. Si, bah dédicace à Toulouse déjà. À tout Toulouse. Potos, Julien, Mathieu, mon frère Kevin aussi que j'embrasse. Ma daronne peut-être qui écoute aussi. Et puis à une pensée là, aussi à Claude qui est décédé, un collègue à moi là. Et une grosse pensée à lui. Et à ses proches, ouais. Beaucoup de courage. Et puis dédicace à Toulouse aussi, Paris, ceux qui écoutent. Comme ça. Merci à toi Jordan et à ton pote derrière qu'on a entendu. Merci. Il est très sympa aussi. Merci aussi à vous les Magic System. Encore une fois, c'était une belle semaine. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis au cours de la semaine. Et puis rendez-vous est pris pour le 19. Là c'est lundi, africainement vôtre, africainement. L'album, allez-y les yeux fermés. Vous connaissez Magic System, vous ne serez pas déçus. Ouais. Vous allez passer un bon moment en réfléchissant aussi. Parce que c'est vrai que quand on gratte les paroles, il y a aussi beaucoup de messages sur l'avenir, sur le monde aussi actuel, mais aussi avec une vision d'avenir, voilà. Surtout ça pour la suite. Merci à vous tous. Merci. Et puis rendez-vous le 13 septembre aussi à l'Olympia. Et ouais, allez voir aussi à l'Olympia. Et puis on rappelle aussi l'UNESCO, parce que hier on a parlé du ballon, mais ce sera fin mai. Il y a une vidéo qui vous expliquera tout. Fin mai, il y a une vidéo qui va passer avec toutes les personnalités qui vont jongler chacune une balle. Cette balle sera dédicacée et mise aux enchères. Et voilà, toutes les sommes qui seront collectées à partie de cette opération sera reversée à l'UNESCO pour financer l'alphabétisation et l'éducation en Afrique. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est des personnalités qui ont accepté volontiers de nous accompagner dans cette aventure. Africainement vôtre, l'album de Magic System. Merci à vous. Merci. Et à très vite à l'antenne de Skyrock, au micro de Skyrock. Là, on va retrouver D-Fool. C'est l'heure de la radio libre. Mais oui, on est là. La radio libre du vendredi soir jusqu'à minuit. Ça va, Fredo? Ouais. Quelle belle semaine avec Magic System. Ah ouais, on a dansé, hein. Quel medley hier. Ah, quel le Megamix d'hier soir. Oui, avec les Magic System. Merci en tout cas pour cette semaine, Fred. Semaine prochaine dans Planète Rap. C'est Kaina Samet qui débarque. Kaina Samet, le retour. Elle est de retour avec un nouvel album. L'une des plus belles voix françaises sera là avec nous. Et oui. Elle sera là de 20 à 21 dès lundi. Puis ce soir, la nocturne de Planète Rap, comme tous les vendredis. 100% français. Avec Squad d'Assassins et Roca qui débarquent aussi. Oula. En première partie de la nocturne. Eh bien, ne pas louper. Ce soir, 20h, 21h, Planète Rap lundi. Après minuit, tout à l'heure, la nocturne. Et là, jusqu'à minuit, c'est la radio libre avec toute l'équipe qui est là. Vous tous de toute la France, évidemment. Et puis, une belle soirée à toi. Fredo, prépare bien ta nocturne. Hein. Comme d'habitude. On connaît la recette. On connaît la recette. Voilà. Oui. Voilà. Il fera peut-être des révélations, Fredo, à minuit. Je vais en cuisine. Des révélations sur la recette de la préparation de la nocturne. Oui, plutôt, oui, d'ailleurs. C'est ça. Bon, bonne soirée, Fred, et à tout à l'heure. Ciao à toutes. Ciao. Et là, c'est Radio Libre. C'est parti avec une grosse surprise ce soir, mais on en parle tout de suite. Allez, à tout de suite, Radio Libre. Jusqu'à minuit, vous nous appelez si vous voulez débarquer ici, si vous avez besoin de nous. 01 53 40 30 20. Tous les réseaux sociaux sont en place, le 41 759. L'appli Skyrock et tout le reste, allez-y, on arrive. A tout de suite. A toutes. Avec Jason Derulo pour démarrer la soirée. Tous les matins, 6h.